sur une autoroute de montagne où alternent descente et montée. Dans cet environnement, il faut veiller à moduler sa vitesse en fonction des usagers rencontrés. Ce panneau m'avertit d'un danger. Il s'agit d'un risque de heurts avec un véhicule lent en montée si le différentiel de vitesse est trop élevé. Un camion peut avoir du mal à atteindre 30 km/h. Ici, personne ne me suit. J'ai tout intérêt à anticiper et à me placer en sécurité dans la voie de gauche plutôt que de me rapprocher du poids lourd. Réponse A.